suis-je? Le seul à voir et entendre, mais plus entendre car je vois ma propre non-mensonge, leur propre mort et vie. Je n'ai pas sûrement pas la violence des mots de certains, mais comme les autres, j'ai peur. J'ai vécu un désastre dans un monde qui n'est guère le mien. Je ne reçois plus rien. Je dois me procurer cette dope avec le peu en banque que j'ai. Je ne dis pas être présent, mais j'agisserai en ma présence. Présence. Présence. Présence. Qui est bonne celle-là?